Question 40. Les accidents corporels sont plus fréquents en agglomération. Réponse A. Hors agglomération. Réponse B. Le nombre de tués est plus important en ville. Réponse C. Sur route. Réponse D.